On va parler des Saguenay, de Chicoutimi. Nouvelle chronique, on avait de la misère à se trouver quelqu'un depuis la perte de Sébastien Morin, mais d'emblée, ben, je suis bien content de l'avoir parce que c'est celui que vous pouvez lire pratiquement tous les jours pour parler des Saguenay, de Chicoutimi, c'est Jonathan Hudon. Salut Jonathan. Oui, salut Danny. Jonathan, c'est vrai, là, t'es vraiment attitré au Saguenay, hein, parce que quand je t'ai vu à Dolbeau dans le cadre des élections, t'étais plus attitré à pas mal d'affaires, mais là, je pense qu'avec Serge Gémond qui est pris sa retraite, est-ce que je me trompe en disant que là, maintenant, on t'a vraiment mis chez les Saguenayens? Ben, plus ou moins, tu te trompes un petit peu, Danny. Ouais, OK. Je veux pas te contredire, mais c'est ça, c'est pas totalement là, au Saguenay. Mon bon vieux collègue et ami Dave Ansley, là, qui va aussi s'occuper de la couverture des Saguenayens. Dave a profité là, de petites vacances au cours des dernières semaines, là, mais devrait reprendre le collier très bientôt. Donc, c'est sûr que ça va un petit peu osciller entre lui et moi. Lui a la priorité, puis moi aussi, là, je vais faire... Les Saguenayens de temps en temps, mais les Saguenayens, même si je les couvre pas dans le journal, je peux quand même les voir régulièrement. Là, j'assiste aux rencontres sans nécessairement les couvrir quotidiennement dans le quotidien. Donc, peut-être Ouais. que je suis l'équipe de près. Là, donc, bien humblement, je peux me permettre de OK. commenter l'actualité des Saguenayens. Dis-moi, parle-moi maintenant de l'Académie. C'est une belle nouvelle, ça. C'est une belle nouvelle. C'est créer un sentiment d'appartenance. Moi, je pense que j'ai vu ça de même. Créer un sentiment d'appartenance, ça commence avec les jeunes, puis par la suite, ben, ça monte, ça monte, ça monte. Et ces jeunes-là vont soit se transformer en joueurs ou en partisans. Est-ce que je me trompe? Ouais, exactement, exactement. Dans le mille, Danny, là, c'est tout à fait ça. Puis quand Yannick Jean est arrivé en novembre 2014, il a martelé ce message-là de créer un sentiment d'appartenance au sein de l'équipe, au sein de la ville, à travers les Saguenayens. Parce que les Saguenayens de Chicoutimi, je veux pas mettre ça trop gros, mais c'est un peu le petit Canadien de Montréal du Saguenay, du Ouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux pas, c'est la plus grosse équipe de hockey de toute la région. Donc, c'est certain là, que Yannick Jean est conscient de ça. L'organisation des Saguenayens puis Yannick Jean là, sont parfaitement conscients de cette situation-là. Puis, Yannick Jean a pris les grands moyens là, en créant cette académie de hockey-là. Une très, très bonne nouvelle, là, comme tu le disais. C'est ce qu'il disait, on veut pas s'impliquer au sein là, d'écoles de hockey déjà créées. On veut proprement créer notre propre académie, là, école de hockey durant l'été. Donc, c'est exactement ça que les Saguenay ont décidé de faire. Puis, il y a des gens de qualité ici. Là, on va impliquer les entraîneurs de tous les calibres ici à venir prendre de l'expérience, puis aussi à partager leurs connaissances. Il ne faut pas oublier qu'à Jonquière, Steve Thériault des Élites Midget 3, un excellent entraîneur de hockey, dans la structure là, Espoir, puis oui, Bantam Midget là, du hockey 3A, ben, là aussi, il y a des bons entraîneurs, fait qu'eux autres aussi, probablement, qui vont être impliqués dans cette académie-là. C'est une très, très bonne nouvelle. Ça va éviter aux jeunes là, de dire on va aller à Montréal faire un camp d'entraînement cet été. C'est de l'argent qui va demeurer dans la région. Puis les jeunes, ben, vont empêcher, là, n'auront pas besoin de se rendre à Montréal, Québec, Trois-Rivières, peu importe, là, pour parfaire leur développement de hockey. Dis-moi, parle-moi du côté des joueurs. Ça va être les joueurs des élites, ça va être qui sont dans la structure des élites, parce que les élites ont la même structure un peu. C'est ça un peu ben, le Bantam 2B, hein, ou ça va être des inscriptions qu'on va prendre un peu partout? Ah, c'est des inscriptions qu'on va prendre vraiment partout, là. Il va y avoir des camps élites, justement, avec des joueurs Midget 3A, des joueurs juniors majeurs qui vont pouvoir participer là, à ces camps-là, mais c'est vraiment tout le monde. C'est vraiment un joueur novice, là, un joueur novice B qui apprend, là, qui chausse les patins pour les premières fois, ben, va pouvoir également s'inscrire à ça, puis s'imprégner de la culture de hockey. Veux pas, pour un jeune, ça demeure impressionnant, les Saguenay, là. Fait que mais ils vont pouvoir s'inscrire n'importe quel jeune hockeyeur là, qui veut devenir un meilleur joueur de hockey peut s'inscrire là-dedans. C'est pas ciblé pour les joueurs d'élite. C'est vraiment pour tout type de joueur de hockey. N'importe lequel va pouvoir trouver son compte là-dedans. C'est des formations qui vont être adaptées là, selon le niveau de jeu. J'ai pas tous les détails. Puis les Saguenay vont travailler là-dessus au cours des prochaines semaines, mais probablement qu'on va faire un beau mélange là, homogène entre les groupes. On va essayer d'assembler tous les calibres probablement dans chacun des groupes. Okay. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Monsieur, madame, tout le monde. C'est une vraiment une belle nouvelle. Parle-moi, on va parler maintenant de Charles Tremblay. Charles Tremblay vient d'ici, joue pour le Marcos Pop de Saint-Félicien, tu le vois régulièrement. Comment ça va dans son cas? Ah, il va bien, il y a une bonne vitesse, Charles. C'est ça qui permet là, de vraiment de suivre son rythme, de ne pas avoir l'air fou. Là, il va peut-être un petit peu moins jouer là, dans les derniers matchs. Il a joué 19 matchs depuis le début de la saison, amassé 3 passes. C'est sûr qu'il est un petit peu plus utilisé là, sporadiquement dernièrement. Son dernier match a remonté contre Rimouski. Il n'a pas joué là, dimanche dernier contre le Drakkar de Bécomo. Il n'avait pas joué mardi contre Blainville. Donc peut-être un petit peu mais laissé de côté de temps à autre, mais ça fait partie de l'apprentissage de 17 ans. Là. Je sais que certaines personnes là, aimeraient le voir dans l'alignement tous les jours, mais regarder un match du haut des estrades, là, du haut des gradins, ça fait pas de tort pour un jeune de cet âge. Puis faut pas oublier qu'il s'entraîne tous les jours avec des joueurs juniors majeurs, donc c'est sûr que ça lui permet de s'améliorer. Puis là, il est parti avec les Saguenay dans les Maritimes, donc il fait partie vraiment de l'avenir de l'équipe. Yannick Jean, c'est un joueur qui l'aime, qui chante, donc... je suis pas inquiet là, pour son développement. Je pense qu'on a un plan d'établi avec lui. Puis c'est sûr que ça peut être décevant des fois de le voir dans les estrades alors qu'on se dirait pourquoi qu'il est pas avec les élites actuellement. Là. On se rappelle qu'il a été rappelé aux fêtes par les Saguenayens des élites. Puis on se dit pourquoi qu'il va pas avec les élites puis jouer 30 minutes par match pour avoir un rôle très important. Mais il fait partie, il joue avec la meilleure ligue de son âge actuellement là, au Québec. Donc je pense que c'est bénéfique pour son développement. Mais c'est ça, il y a une bonne vitesse, il est intense. Ça, c'est un jeune qui est intense. Il a un bon sens du jeu quand même. Peut-être un petit peu reste à prendre la masque comme tout joueur de 17 ans, mais pas inquiète pour lui, là, ça devrait bien aller pour Charles. Il devrait connaître une bonne carrière quand même avec les Saguenay de Chicoutimi, je crois. OK. Dis-moi, Jérémy Fortin, c'est ça, j'y ai parlé avant les fêtes, c'est un joueur défensif, troisième, quatrième trio, c'est ça? Oui. Oui, exactement. Un jeune là, qui, lui aussi, là, fait du très, très, très bon travail. Il a démontré une très belle progression, honnêtement, depuis le début de la saison. Jérémy vient d'ailleurs, là, petite parenthèse, d'être élu le joueur étudiant du mois de janvier chez les 5. Ah, OK, c'est bon, ça, de bien les études demeurent toujours importantes, hein, veux pas, pour un jeune de cet âge-là. C'est des jeunes qui entrent au cégep, puis c'est ça demeure important, là, veux pas. Le hockey, il n'y a pas juste ça dans la vie. Faut être conscient de ça. Ouais. Puis en tout cas, bref, sur la glace, Jérémy fait du bon travail. Lui a disputé pas mal toutes les parties des Saguenay depuis le début de la saison. Une fiche de 4 buts, 8 passes pour 12 points. Honnêtement, il fait du bon travail. Il se débrouille très bien, Jérémy, dans le rôle qu'on lui donne. Utilisé sur un troisième trio assez régulièrement. Là, on le voit beaucoup, a beaucoup de temps de jeu. C'est un joueur qui se débrouille bien. Là aussi, je pense que c'est un joueur que Yannick aime bien. Là. C'est un joueur au départ qui avait été prêté par les Cataractes. Ben oui. Juste pour laisser aucun entraînement. Finalement, il a fait l'équipe. Puis là, il fait vraiment sa place là, avec les Saguenayens. Puis à 18 ans, je pense qu'on peut se permettre de le voir au moins l'année prochaine encore dans les plans de l'équipe. C'est un jeune homme là qui fait du bon travail, des belles qualités. Puis il progresse dans tout. C'est un gros, gros, gros travaillant dans le cas de Jérémy Fortin. Absolument, il n'arrête pas une seconde. Ouais. Dis-moi maintenant, si on parlait dossier de l'heure, Talk of the Town, c'est vraiment la réflexion ou pas réflexion du centre Georges Vézina. Encore ce matin, j'écoutais des gars de Radio X au Saguenay, puis vraiment, là, c'est un débat là-dessus. Les Saguenayens, ils se sont prononcés la semaine passée. Je veux parler avec Richard Letourneau, probablement la semaine prochaine. Dis-moi, est-ce que c'était stratégique? Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière de ça? Parce qu'au début, Richard m'avait dit, si on a des rénovations, on va être bien content, puis si on a un nouvel amphithéâtre, on va être bien content aussi. T'sais, ils voulaient pas se mouiller, mais là, ils se sont mouillés. Ouais. Ben, stratégie ou pas, là, je veux dire. Il y a une logique là-dedans aussi, moi, je pense. Ben oui, c'est ça, exact. Là, faut pas se cacher. Est-ce qu'on rénove une bâtisse de bâtisse en 1946, je crois? Si on te pose des muscles puis on te rajeunit, puis ça, tu vas quand même avoir la même charpente, là, tu vas avoir la même image, donc c'est un peu la même, je veux dire, c'est la même chose, là. Le Saint-Georges Vézina, il commence à être usé, puis quand même qu'on fera des rénovations de 20-25 millions, je pense que je pense que la bâtisse là a fait son temps, je veux dire la structure, il va falloir là changer le toit si on décide d'aller dans la rénovation, il faut falloir refaire la toiture au complet qui elle ne peut plus supporter 5 livres de plus là, quasiment. Mmh. C'est vrai, monsieur, c'est ça, fait. C'est tout qu'une affaire. Mais t'es pas sérieux, là, vraiment, le 5 livres, c'est pas vrai, là? Non, je fais une petite blague, là, c'est une petite exagération, mais c'est à peine, on peut plus recevoir des spectacles parce que ben oui. les jeux de lumière là, ne peuvent plus être installés au plafond, puis les lumières, là, c'est des lumières d'antan, là, on peut même plus fermer les lumières lorsqu'il y a des célébrations parce que ça prend 12 minutes les rallumer. C'est comme les lumières qu'on voit où... Dans les arénas extérieurs, là, c'est que si t'allumes les lumières, puis quand t'es rallumes, ils se rallument graduellement. Donc, ouais. C'est sûr que là, il y a un petit problème à ce niveau-là, puis tu veux pas les installations là, sous les gradins. Le dessin a été renouvelé là, à l'automne, mais c'est pas assez. Là. Ça demeure qu'on fait du neuf avec du vieux. Effectivement, c'est ça. C'est ça. J'ai hâte de voir, c'est le 31 mars, je sais que notre collègue Phil est comme parti en mission, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que... tu crois-tu ça, ce que Marc Diquet disait? Marc Diquet me dit, puis il l'a dit à Arnaud ici aussi, il a dit, on s'en va vers une grande rénovation, que c'est pratiquement une construction neuve. Mais ça va rester quand même le... Ça va, si c'est vrai, ça va quand même rester quelque chose de vieillot, comme qu'on pourrait dire, là. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça va faire jaser d'ici là. Ouais. Tu sais, s'ils décident de rénover, ça sera pas une mauvaise chose non plus. On pourra pas dire que c'est le statu quo. Il y a des choses qui vont changer, mais on verra bien. Là. Moi, je suis pas dans le secret des dieux, puis je suis pas impliqué dans la politique municipale, provinciale et fédérale. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose avec le San Jose. Puis il va se passer quelque chose. Yeah. Quel est le plan là, le plan établi par la ville? Il nous le dira, mais c'est ça, ça presse. Comme Phil le disait d'ailleurs dans sa chronique là, de mardi, ça le temps presse. Il faut que des décisions se prennent. Il faut que des plans soient présentés le plus tôt possible. OK. On s'en parle mardi prochain, un temps. Que vous pouvez lire avec plaisir, Danny, bonne journée. Que vous pouvez lire tous les jours dans le journal Le Quotidien.